Alors moi, je vais faire juste Rapide. un petit résumé rapide de ce que je connais des travaux en cours de Paul. Et ça sera d'autant plus rapide que je sais qu'il a quelques peut-être d'images à nous montrer après sur ce qui est arrivé depuis les derniers textes que je connais. Donc, comme c'est une recherche en cours, voilà. Moi, c'est à partir de quelques articles dont le plus récent date avait été écrit il y a un peu moins d'un an. Celui dans Ibisu, c'était début 2012. Quoi. Ah non, Ibisu, c'est cette année. C'est... Ouais, bon, ben, c'est tout court. Le problème est qu'il date. Alors, Paul a déjà parlé de donc, son début d'enquête en 2002 dans des sites nucléaires au Japon. Ça va être dur de résumer cette enquête en cours qui, comme dans les autres travaux de Paul que je connais par son livre tiré de sa thèse, ont la particularité, la richesse d'aller dans beaucoup de directions à la fois et d'étudier aussi bien les ouvriers de la base, soit qui refusent de reconnaître la réalité d'un risque, soit ceux qui militent pour la reconnaissance d'un risque, soit qui militent pour la reconnaissance du risque environnemental, ceux qui disent qu'il n'y a pas de risque environnemental, mais aussi d'aller voir les gens qui établissent les normes, d'aller voir les dirigeants d'entreprise, d'aller voir un petit peu tous les acteurs différents impliqués dans cet écosystème de la visibilité et de l'invisibilité du danger et de la gestion du danger. Et Paul a un réel talent de traduction, d'autant plus pour des gens comme moi qui ne connaissent absolument rien à la réalité sociale au Japon ou à Taïwan aussi, où il a fait des recherches, un réel terme de traduction pour expliquer ces choses-là, pour expliquer comment ça s'insère dans un contexte culturel particulier, quelle spécificité nationale il peut y avoir, et par contre, qu'est-ce qui peut ressembler à ce qu'on connaît dans d'autres contextes dont on est plus familier. Alors, c'est ainsi qu'en 2002, Paul réussit déjà à montrer que les résultats d'Anité Bomoni en France se retrouvent dans la situation japonaise, c'est-à-dire en récoltant des données, en donnant une visibilité à des données qui n'étaient pas particulièrement visibles, en allant se renseigner chez des sous-traitants, chez aussi bien les sous-traitants eux-mêmes que leurs employeurs, ceux qui dirigent la boîte de sous-traitance, mais aussi les donneurs d'ordre. Paul Jobin montre que la majorité de la dose radioactive auxquelles sont exposés les travailleurs dans les centrales nucléaires au Japon est absorbée par une minorité de travailleurs qui sont donc ces travailleurs sous-traitants, qui est, à mon avis, le résultat fondamental du travail d'Anité Bomoni, et qui est un résultat, à la limite, on pourrait dire, plus qui n'est pas tant sociologique que ça, en fait, qui est un résultat épidémiologique, presque, mais où on a besoin de sociologie pour pouvoir le produire. On a besoin de sociologie pour pouvoir produire ce résultat, car on est obligé d'avoir une attention constructiviste à la construction des données, à la manière dont on peut rendre visible ou rendre invisible les risques différentiels encourus par diverses populations. Alors, c'est également déjà à cette époque que Paul rencontre des dirigeants de boîtes de sous-traitance qui lui expliquent comment il falsifie les rapports sur la dosimétrie. Je me rappelle avoir vu dans sa présentation les photos qu'il avait prises du tampon utilisé pour dire « rien à signaler, tout va bien ». Et qui en fait est un tampon qu'ils ne sont pas censés avoir, que c'est quelqu'un d'autre qui est censé avoir, quelqu'un qui vérifie vraiment. Mais voilà, ils le mettent comme si cette personne avait vérifié. Voilà, c'est un mode de falsification, parfois au vu et au su des ouvriers, d'après ce que je comprends, parce qu'ils savent que quand ils vont atteindre la limite maximale de doses reçues dans l'année, ils ne vont plus pouvoir travailler. Et l'employeur a intérêt à conserver un personnel qui travaille, un personnel à peu près stable, tout comme les employés ont intérêt à avoir un emploi qui se pérennise. Et disons, dans le calcul entre le fait d'avoir un emploi et le fait de s'exposer à la radioactivité, ils font ce choix-là. Alors, il montre également que le nombre de maladies professionnelles reconnues dans ce secteur-là pour cause de rayonnement ionisant est dérisoire. Alors là encore, c'est un travail patient de collecte. Je ne sais pas comment tu fais exactement, où tu dois. Mais à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui court les rues. Le nombre de maladies professionnelles, c'est quelque chose que tu dois mettre un petit peu bout à bout, des cas individuels, pour pouvoir finalement arriver à un chiffre très très petit du nombre de maladies professionnelles reconnues chez les travailleurs du nucléaire. Alors que la comparaison avec d'autres contextes nationaux où il y aurait peut-être une meilleure reconnaissance, ou alors la référence à des travaux d'épidémiologie, y compris les travaux d'épidémiologie, on va dire, qui sont conservateurs sur certains aspects, comme ceux que tu cites de Elisabeth Cardis, qui sont des travaux qui portent sur... en fait, il y a une méta-analyse de plusieurs travaux sur des cohortes, et je crois qu'il y a 500 000, c'est ça, c'est très très grand, des centaines de milliers de travailleurs qui sont impliqués dans ces, qui sont suivis dans ces différentes études, qui montrent quand même que même en prenant une délimitation assez conservatrice de la population, en ne prenant pas les sous-traitants, en ne prenant que les agents statutaires des équivalents de EDF, etc., dans les différents pays, 400 000 travailleurs, ouais. On peut quand même voir une certaine augmentation du risque de cancer, de certains cancers, pour cette population, en lien avec l'activité de travail. Travaux pour lesquels, d'après ce que j'avais compris, Elisabeth Cardis avait eu pas mal de... Il y a eu des frictions, après, avec des gens qui ont contesté très fortement la scientificité de ces travaux. Alors, depuis le début de la catastrophe de Fukushima, Paul est retourné plusieurs fois, enfin, est allé plusieurs fois dans dans la préfecture du même nom, jusque là où il pouvait aller pour voir, parce qu'il y a une zone qui, comme vous le savez, est interdite au public. Il a rencontré ce qu'on pourrait dire les liquidateurs de Fukushima, tout comme leurs homologues de Tchernobyl en 1986, c'est-à-dire les gens qui sont chargés d'essayer de décontaminer, de gérer le risque, de nettoyer la radioactivité. Or, nettoyer la radioactivité, comme vous le savez peut-être, c'est peut-être une différence entre la radioactivité et beaucoup d'autres choses, mais bon. Et encore, c'est pas forcément différent de certains produits chimiques, etc. C'est quelque chose qu'on nettoie difficilement. On déplace la radioactivité, on la vitrifie, on la stocke, on la met sous terre, mais on ne peut pas la faire passer du statut de sale à propre. Il y a des travaux d'ailleurs de... Je me souviens plus, c'est Marie Douglas. Voilà, d'anthropologie, justement, sur comment le nucléaire bouleverse un petit peu les frontières du propre et du sale, qui, comme l'a montré l'anthropologie, sont toujours des éléments constitutifs dans les cultures humaines. Paul également s'intéresse à l'extension de l'ensemble de protocoles connus comme la radioprotection, en se demandant dans un article qui est protégé par la radioprotection, puisque, par exemple, dans un jour d'avril 2011, c'est-à-dire donc quelques semaines après le début de la catastrophe, le seuil maximal de radioactivité acceptable entre guillemets, puisque c'est accepté par les gens qui édictent le seuil, mais pas par la population en question, forcément, on leur demande pas leur avis, le seuil maximal de radioactivité acceptable pour les enfants est multiplié par 20, du jour au lendemain. C'est-à-dire il passe de 1 millisievert par an à 20 millisieverts par an. Sachant que 20 millisieverts par an, jusqu'à la catastrophe de Fukushima au Japon, était le seuil maximum de radioactivité acceptable pour les travailleurs du nucléaire. Travailleurs adultes du nucléaire, hein, bien sûr, parce que c'est travailleurs adultes. Or, comme vous savez sans doute, l'effet de la dose, les études semblent montrer que l'effet de la dose sur les enfants est au moins triplé, c'est-à-dire, voilà, ou peut-être plus, voilà, c'est en tout cas, voilà, par leur constitution physique, par leur squelette, etc., les enfants, par le fait qu'ils sont en croissance, peuvent avoir un effet beaucoup plus grand de la radioactivité, un effet nocif beaucoup plus grand. Et pourquoi est-ce qu'on amène le seuil à 20 millisieverts par an? Parce que comme ça va permettre aux enfants de retourner à l'école. Puisque l'école, la plupart des écoles dans la région, sont contaminées, affichent plutôt des niveaux de radioactivité qui peuvent aller jusqu'à ces 20 millisieverts par an. Et donc, là, on ne pourrait pas les laisser aller à l'école si la dose est le seuil est à 1, on le met à 20, et là, tout à coup, tout va bien. On peut les laisser retourner à l'école. De même, les ouvriers, d'après ce que j'ai compris, leur dose maximum va être portée de 20 millisieverts par an à 250, qui est censé être le seuil spécial catastrophe, genre gestion en temps de catastrophe, mais je n'ai pas spécialement entendu que ce seuil avait été rabaissé depuis. Si, d'accord. Okay. On est à 100. À 100. Enfin, à 100 sur 50. 100, d'accord. Soit 20. Enfin bref, 100 sur 50. D'accord, ok. Mais on est resté quand même sur plusieurs mois. C'était jusqu'en octobre 2011. D'accord. On est resté sur plusieurs mois à donc une dose beaucoup plus haute que la dose qui avait cours auparavant. Chose qu'on retrouve dans la plupart des industries dangereuses. C'est-à-dire que, et même les ouvriers et les ouvrières sont les premiers à le dire, c'est, moi, de toute façon, la dose, j'y attache pas forcément toujours une grande importance, parce que quand je vois, il y a 20 ans, on m'exposait à une dose 10 fois plus grande, maintenant on me dit qu'il faut que ça soit 10 fois moins, ben, voilà, ils voient la construction, juste par le fait d'avoir travaillé longtemps dans ces industries, ils voient la construction sociale de la valeur limite, et le fait qu'elle n'est pas forcément liée à des données purement médicales, mais à un rapport de force, à ce sur quoi revient également Gabriel dans son livre, cette notion de ALARA, as low as reasonably achievable, c'est-à-dire aussi bas que ce qu'on peut raisonnablement atteindre, avec, comme dit Gabriel, aussi bas qui est une façon de dire on sait que c'est dangereux quelle que soit la dose, mais que raisonnablement atteignable, qui est une façon de dire mais il faut quand même qu'on laisse un petit peu de marge pour pouvoir continuer la production, sinon ça ne sera pas possible du tout. Paul mentionne dans ses travaux cet expert qui travaillait pour le premier ministre Naoko Kan. Bon, je sais comment il s'appelle. Le premier ministre, ouais, ou l'ancien premier ministre. Ah, c'était Kan. Ouais, Kan, ouais, bon, Kan. Ouais. Et son prénom, c'était quoi? Naoto. Ouais, c'est ça. Naoko. Et cet expert qui va plaider pour ne pas multiplier par 20 le seuil pour les enfants, et qui n'arrivant pas à convaincre le gouvernement de ne pas faire cela, alors que cet expert était très très rassurant depuis le début de la catastrophe, va faire quelque chose de très qui me semble moi très japonais, parce que j'ai vu ça aussi dans tes autres travaux, et que c'est pas quelque chose qui se fait en France, peut-être que je culturalise un peu, va faire une sorte d'auto-contrition télévisée, va pleurer en direct en disant qu'il regrette ce qu'il a fait jusque-là, et de ne pas avoir pu empêcher de faire multiplier par 20 le seuil pour les enfants et démissionner de son poste. Alors, voilà. Et Paul, après aussi, est également allé interviewer des gens en France par rapport à cette catastrophe de Fukushima. C'est vraiment un travail en cours, hein, de toute façon. Paul, pendant la catastrophe de Fukushima, pour des gens comme moi, était la source d'information, une des sources d'information principales sur ce qui avait lieu là-bas, parce qu'il avait des contacts en Asie, et donc il faisait passer des messages sur ce qui avait réellement lieu. Mais Paul, également en France, est allé voir, par exemple, un responsable français de l'IRSN, Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire, qui, je crois que tu parlais peut-être de la situation des piscines, c'est ça, des piscines d'entreposage de combustible. C'est lui qui m'a parlé de ça. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse piscine du réacteur numéro 4, qui, si jamais il y a une faille, si l'eau sort, ça fera une catastrophe beaucoup plus grande que Tchernobyl, beaucoup plus grande que tout ce qui a eu lieu jusqu'à maintenant, et peut-être qui rendrait inhabitable toute une partie du Japon. Et plus loin, et bien là, le responsable du RSN dit ça, on préfère ne pas y penser. Et là, Paul avait dit, mais dans ses articles, mais, donc même les gens dont le boulot est d'y penser, puisqu'ils sont la gestion des risques, disent ça, en fait, on ne préfère pas y penser. Mais de toute façon, on le voit souvent dans les rapports, même les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire, etc., dans les normes qui sont édictées, voilà, il n'y a pas de réflexion sur. Quand tout va mal, c'est-à-dire, et c'est quelque chose dont on a parlé après Fukushima, le scénario falaise, comme ils disent quelquefois, ou le scénario où tout va mal l'un à la suite des autres, et où, voilà, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Ce genre de plan n'existe pas. Alors voilà, je termine là-dessus, sur le résumé de travaux Paul, mais il reviendra là-dessus peut-être dans la discussion, pour lancer tout de suite des questions transversales aux travaux des trois intervenants.